إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le Cheikh Rahimahullah, quand il a donné comme deuxième principe qu'Allah ne tolère et n'admet jamais un associé à lui dans son adoration, que ce soit un ange rapproché de lui ou un prophète envoyé par lui, il a donné dalil, il a donné la preuve dans Surah 72, verset 18, Surah Al-Jinn. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Il donne comme preuve le verset 18 de la Surah 72. Oui, et les mosquées sont érigées pour la seule adoration d'Allah. N'invoquez donc personne d'autre avec Allah. Donc ça, c'est la preuve qu'il a donnée. Juste après, le troisième principe. Cheikh, l'auteur, rahimahullah, il a dit: celui donc qui obéit au prophète, pratique le monothéisme et croit en un seul et unique Dieu, ne doit jamais se soumettre ni lier amitié avec le profane qui dénie Allah et son prophète, même s'il était son plus proche parent. D'accord? Il a dit: celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et pratique le monothéisme et les mouahides, il adore Allah l'unique, ne prend pas pour allier les ennemis d'Allah ou les mécréants qui dénient Allah et son envoyé. Parce que le tawhid, il est formé de quoi? C'est une négation et une affirmation. D'accord? Une négation et une affirmation. Une négation que nul n'est en droit d'être adoré. Je n'adore pas, je ne me soumets pas, je n'obéis pas. Une négation, négation. Je ne me soumets pas aux mécréants, aux autres idoles. Je n'obéis pas à leurs lois. Je ne lis pas d'amitié avec eux. Et une affirmation: j'adore Allah l'unique. Je l'aime, je le vénère. Je lui adresse toutes mes adorations. La prière, le jihad, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate al-Baqara: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque se désavoue du tagout tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide. Donc se désavouer, négation, nier, renier ce tagout, le tagout ça veut dire les idoles ou les fausses divinités. On va le définir plus clairement après, Inch'Allah. Donc, renier, se désavouer. Et après, quiconque se désavoue du tarot, ça veut dire les fausses divinités, tandis qu'il croit en Allah. Donc, affirmation, il croit en Allah. Parce que d'abord, il faut sortir toute ignorance, toute l'association, toutes les fausses croyances du cœur pour bâtir l'unicité. Tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut enlever, on met yakfor betarout, il se désavoue du tarout, et après il croit en Allah. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur des ruines. Il faut enlever les fausses croyances pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute la religion, il revient à ce tawhid. Vous allez remarquer que dans toute la religion, c'est soit ne fais pas ça, ne bois pas le vin, ne commet pas la fornication. Ça revient à quoi? Ça revient que nul n'est en droit d'être adoré. Ça revient à la négation de la ilaha illallah. La ilaha, négation, nul n'est en droit. Donc ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et l'affirmation, ça veut dire que tu dois faire les bonnes œuvres, que tu dois prier, que tu dois, j'affirme, je fais ça, c'est une affirmation. Ça revient qu'Allah est en droit d'être adoré. Ça revient à l'affirmation de cette formule de tawhid. D'accord? Empêcher le blâmable, ça revient à quoi? À la négation. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. D'accord? ordonner le convenable, ça revient à l'affirmation. D'accord? À l'adoration d'Allah. D'accord? J'aime Allah, je l'adore, je n'aime pas les ennemis d'Allah, je n'adore pas les autres idoles. Donc tout ça, ça revient. Donc à chaque fois qu'on vous dit c'est quoi Tawhid, vous dites une négation et une affirmation. Nier les autres idoles, nier les lois des ennemis d'Allah, nier le fait de tisser les liens d'amitié avec eux ou l'amour, hein? Négation, affirmation, amour d'Allah, l'alliance avec les alliés d'Allah, l'amour du prophète, l'amour des compagnons, aimer les croyants, les soutenir. Donc tout ça, ça rentre dans l'affirmation. Cheikh Rahimahullah, il a dit, il a voulu montrer une règle qui s'appelle l'Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu, l'alliance et l'écartement. L'alliance avec les alliés d'Allah et l'éloignement, l'écartement des ennemis d'Allah. C'est ce qu'on appelle le wala wal bara. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: La yattakhidh al-mu'minun al-kafirin awliya'a min duni al-mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'. Allah, il dit dans le Coran, dans sourate Al-Imran, le verset 28, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Le faire, ce serait vous couper totalement d'Allah. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna allaha la yahdi al-qawm al-zalimin. » Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Donc c'est une base fondamentale dans Tawhid, l'alliance et le désaveu. Hamad ibn Atiq, l'un des grands savants du 13e siècle de l'Égypte, a dit que je n'ai pas trouvé, après l'unicité, après l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction d'associer quelqu'un avec lui, il n'y a pas d'interdiction plus nombreuse que celle, après l'unicité, après l'interdiction de shirk, plus que celle de l'alliance avec les alliés d'Allah et s'écarter, se désavouer des ennemis d'Allah, dans le Coran. L'unicité a ordonné le tawhid, l'adoration d'Allah, éviter le shirk, ça c'est en premier degré. La majorité des versets, il en parle. Le Coran mécois et médinois. Après ça, il y a ne pas s'allier avec les ennemis d'Allah et s'allier avec les alliés d'Allah. Désavouer des ennemis d'Allah et s'allier avec les alliés d'Allah. Et l'ouala, c'est quoi? L'alliance qui est évoquée dans le Coran, elle est de deux sortes. Il est de deux sortes. Soit on dit s'allier avec les ennemis d'Allah, ça veut dire les aimer, l'amour intérieur. Et ça, c'est kofr. Ça, c'est de la mécréance. Celui qui les aime, ça veut dire il aime leur religion. Ça, c'est de la mécréance. D'accord? Comme les hypocrites. Ou bien, une autre sorte d'alliance qui sort la personne de l'islam, c'est le fait de les soutenir et de les financer et de les soutenir, soit par l'argent, soit par n'importe quel moyen, les armes, soit par le stylo, à écrire des livres et tout, contre les musulmans. Des articles des journaux soutenir les koufars, les juifs et les chrétiens, contre les musulmans, à la koufar. Aussi, c'est de la mécréance. Donc c'est ces deux sortes-là, ce qu'on appelle mu'alat, ils peuvent sortir la personne de l'islam. La deuxième, c'est s'allier avec eux pour un profit immédiat. Ça veut dire l'amour de la vie. Ça veut dire tisser les liens avec eux pour un profit d'ici-bas, pour gagner de l'argent, pour avoir un bon salaire et tout. Et ça, c'est un péché, mais ça ne sort pas la personne de l'islam. D'accord? Ou bien les aimer leur comportement, fêter avec eux, leur fête et tout, ça c'est un péché et c'est une alliance, mais ça ne sort pas la personne de l'islam. D'accord? Donc il y a deux sortes de mouellettes. Mais la personne qui fait ça, ça veut dire qu'ils fêtent leur fête et qu'ils vivent leur joie et leur chagrin, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel le berger qui ne cesse de faire paître son troupeau autour du domaine d'autrui. Ça veut dire qu'il n'est pas loin de l'empiété. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on appelle el-mu'alat, l'alliance, tisser les liens avec eux. الله سبحانه وتعالى دي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله يدي في سورة آل عمران أو les croyants, ne prenez pas de bitana, ça veut dire de confident, comme ils l'ont traduit, par confident. Ne prenez pas de confident en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. C'est Allah qui nous informe de ça. Allah l'unique. C'est pas un journaliste ou un chercheur ou un penseur. C'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ne prenez pas de bitana. Le bitana, ça veut dire le vêtement intérieur. Les Arabes, le vêtement extérieur, ils l'appellent shi'ar. Et le vêtement intérieur, ils l'appellent dithar et bitana. Ça veut dire ne les prenez pas pour confident. D'accord ? Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Dans surat al-Mumtahana. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour chercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et vous divulguez. Ce verset, il a été révélé, on a parlé de ça dans la Sira, quand l'un des compagnons, radiyallahu anhu, comment il s'appelle, c'est dans la bataille, à la prise de la Mecque. Le verset a été révélé à son propos quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu rentrer à la Mecque, prendre la Mecque. Et il n'a pas voulu que le secret soit divulgué, il n'a pas voulu que les Quraysh soient au courant de ce qu'il a l'intention de faire. Il veut les brusquer et en même temps, il avait son objectif, c'est de ne pas couler le sang à la Mecque. Et ce compagnon-là, il a écrit une lettre et il l'a donnée à une femme. Il l'a donné à une femme et Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'a fait ce compagnon-là. Hatib ibn Balta'a. Il s'appelle Hatib ibn Balta'a, radiyallahu anhu. Et il a envoyé Zubair ibn al-Awwam et il a envoyé également Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib. Et ils ont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a désigné l'endroit où se trouve la femme. Allah l'a informé de ceci et puis ils ont trouvé cette femme. Et ils lui ont dit de sortir la lettre qu'a écrite Hatib ibn Balta'a. Parce qu'il a écrit aux gens de la Mecque qu'il faut faire gaffe parce qu'on va vous conquérir. Et ils ont trouvé la lettre chez cette femme-là. Ils ont trouvé la lettre et l'ont ramenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une trahison. Donc c'est une sorte d'alliance. C'est une sorte d'alliance avec les ennemis d'Allah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrogé Hatib ibn Balta'a, il lui a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il a dit « Parce que je ne suis pas de Quraysh et je n'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir à la Mecque. Donc j'ai peur pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille et j'ai voulu avoir quelqu'un qui peut me défendre si les Quraysh reçoivent cette lettre, ils peuvent défendre ma famille. » Donc son but, Il l'a expliqué lui-même, c'est pas par amour aux mécréants, c'est pas parce qu'il a douté dans sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le connaît, il sait qu'il a participé à Badr. C'est loin qu'un homme comme Hatib ibn Balta'a peut trahir les musulmans et tout. Donc c'est une sorte d'alliance, mais il ne l'a pas sorti de l'islam. D'accord? Donc c'était un but, son objectif c'était protéger sa famille, non pas l'amour des ennemis d'Allah, non pas les soutenir contre les musulmans. Ce verset-là a été révélé à son sujet. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier d'Allah. » Et Cheikh Rahimallah, il a donné comme preuve quand il a dit « Celui donc qui obéit au prophète pratique le monothéisme, croit en un seul Dieu, ne doit jamais se soumettre ni lier d'amitié avec le profane qui dénie Allah et son prophète. » Il donne le dalil, il dit, c'est dans sourate Al-Mujadala, « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasoola. » Allah il dit, tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager. Yuwadduna man haddallaha wa rasoola. Hadda, là il a expliqué par dénier. Mais hadda, c'est soit combattre Allah et son envoyé par le hadid, par le fer, par l'épée. Ou bien hadda, ça vient aussi de hadd, ça vient de limite. Ça veut dire chacun, il prend ses limites. Allah et son envoyé, il a ses limites et eux, les mécréants, ont leurs propres limites. Donc hadda, ça veut dire ça. Et ici, dans la traduction, qui dénie Allah et son messager. Se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les membres de leur tribu, cela Allah leur a imprégné la foi dans leur cœur. Donc, même si ces gens-là font partie de leur famille, même s'ils sont leurs propres parents, leurs propres femmes ou leurs propres pères ou leurs propres fils, s'ils dénient Allah et son envoyé, alors jamais ils ne les aimeront, jamais ils ne se lieront d'amitié avec eux. Donc ce verset-là est comme un autre verset qui est dans Surat Bara'a, dans Surat Repentir, Surat Tawba, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a. » Au vous qui avez cru, ou vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos mères s'ils préfèrent la mécréance à l'iman, à la foi. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc même si c'est ses propres parents. Et la suite, le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chères qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc cette alliance, l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance avec Allah, l'alliance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'alliance avec les compagnons, l'alliance avec les croyants en priorité, les gens de la sunna, les innovateurs, on s'allie avec eux par la croyance qu'ils ont et on se désavoue d'eux par l'innovation qu'ils font. Donc il faut être juste, d'accord? Donc c'est en priorité l'amour d'Allah, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour des compagnons et les croyants. Donc ils doivent passer avant toute chose. L'amour d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam doit passer avant l'amour des parents, avant l'amour de toute chose. Et bien sûr, après le droit d'Allah sur toi, il y a le droit des parents sur toi. Donc ce dogme de l'wala ou l'bara, s'allier avec les alliés d'Allah et s'écarter des ennemis d'Allah, c'est l'une des bases du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont cru, émigré et lutté de leur bien et de leur personne dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Donc ceux qui ont émigré, lutté dans le sentier d'Allah et tout, ça veut dire une alliance entre les croyants. Le verset qui vient après, Allah il dit: et les mécréants sont alliés les uns des autres. Et ça c'est une vérité. Les mécréants sont alliés les uns des autres. Si vous n'en faites pas autant, il y aura du trouble sur la terre et il y aura un horrible dégât. Allah il dit dans le verset 73 de la sourate Al-Anfal, sourate 8. Donc s'il n'y a pas cette alliance entre les croyants, il y aura un horrible dégât, il y aura un grand désordre. Et si on lit l'histoire, la chute des empires, les Omeyyades, les Abbasides, la rentrée des Tatars, les croisades, tout, si on analyse les événements dans l'histoire, c'est à cause de ça. C'est l'alliance avec les ennemis d'Allah, envoie nos frères aux ennemis d'Allah. Et que les rois ou les gouverneurs musulmans, ils combattaient les uns les autres et s'alliaient avec l'ennemi d'Allah et demandent l'aide des koufars pour combattre son propre frère. Et le meilleur exemple, c'est celui de la chute de l'Andalus, la chute de l'Espagne. Allah dit: si vous n'en faites pas, il y aura du trouble et du trouble sur la terre et un horrible dégât. Et non seulement il y a l'alliance par l'argent, financement, etc., il y a aussi, et ça c'est plus grave encore, c'est l'alliance intellectuelle. C'est une alliance, déjà c'est elle qui précède la chute. Quand les musulmans se sont alliés, quand ils ont commencé à traduire les livres des philosophes, les livres, la philosophie grecque, les croyances des hindous, et commencent à extrapoler ça à leur dogme religieux, ils commencent à s'allier intellectuellement avec ces gens-là, commencent à innover, à s'éloigner de la voie droite d'Allah. Là, l'ennemi, il a trouvé la brèche. Et en général, quand on lit sur l'histoire des sectes, toujours, surtout les sectes qui étaient vraiment en désaccord avec les gens de la Sunna, derrière chaque secte, tu trouves soit des juifs, soit des hindous, et on a des exemples concrets. Abdullah ibn Saba, la graine du chiisme, c'est un juif. Donc, alliance. De même, jusqu'à maintenant, avant c'était l'alliance intellectuelle, le soufisme, il a pris ça d'où? Il a pris ça des hindous, la contemplation, l'ivresse ésotérique, le fait de contempler jusqu'à se fondre, jusqu'à être confondu avec l'essence d'Allah et avoir la... Tout ça vient d'où? Ça vient des hindous, l'islam, il se désavoue de ce genre de pensée, d'accord? Et c'est pour ça que les soufis maintenant, ils disent le mode de connaissance, c'est pas d'étudier, d'apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de chercher l'authenticité des textes, de lire le Coran, non, ils disent le mode de connaissance, c'est que tu t'enfermes dans un coin, dans une caverne, et puis tu invoques et tu contemples, et après tu te sens léger, après à la fin, toi et Dieu, vous ne formez qu'un. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. C'est la croyance aussi des chrétiens. D'accord. La notion de la Trinité et que trois forment un et qu'ils disent aussi je l'aime au point que moi et lui on ne forme qu'un. D'accord. L'islam, il est loin de ses fausses croyances. Donc, il ne faut pas s'allier avec eux, comme j'ai dit, intellectuellement et aussi matériellement, parce que c'est ça qui cause la c'est ça qui a causé la perdition des empires musulmans. Toutes les khilafas ont été disloquées à cause de ça, à cause de cette alliance. En Espagne, en Andalous, il y avait les deux gouverneurs, ils se battaient pour une esclave. Et là, il a demandé de l'aide des chrétiens contre son propre frère, jusqu'à ce que tout le pays a... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre cette vérité. Il dit: أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. Dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 100. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient plus, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdant. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Wadda kathirun min ahli al-kitab law yuraddunakum min ba'd imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'd ma tabayyana lahum al-haq min ba'd ma tabayyana lahum al-haq. Ni les mécréants parmi les gens du livre, nombre de gens du livre, aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Dans Sourate Al-Baqarah, le verset 109. Et il dit, subhanahu wa ta'ala: Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi wala al-mushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait quelconque de la part de votre Seigneur. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, le verset 89. Donc c'est très important, cette notion de l'alliance et du désaveu. D'accord. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il a bien détaillé ça dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc, l'alliance, comme j'ai dit, soit matérielle, soit par intellectuel, de prendre leurs idées, de dire que leur loi, il convient plus, beaucoup plus à notre époque, de fêter leurs fêtes, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Leur mode de vie, leur pensée, leur style intérieur chez eux, dans leur maison, de faire pareil, même les gestes, même ça rentre dans l'alliance. Bien sûr, ça va pas jusqu'à la mécréance, mais c'est des péchés. Et pour vraiment montrer qu'on aime Allah, il faut qu'on s'allie avec Allah subhanahu wa ta'ala, son envoyé, et qu'on le suit dans ses enseignements. Et le bara, c'est l'écartement, c'est le désaveu qui est le contraire de l'ouala. Donc le bara, c'est le contraire de l'alliance. Donc le bara, c'est le désaveu, c'est la négation dans le tawhid. Donc il signifie de ne pas s'allier avec eux, de ne pas les soutenir contre les musulmans, de ne pas essayer de ne pas chercher à les ressembler et de ne pas fêter leur fête, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il dit: wa man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui imite ou cherche à ressembler à des gens, il fait partie d'eux. Hadith rapporté par Abu Daoud, 4031, et l'imam Ahmed, avec un assez bon isnad. Donc celui qui essaie de ressembler à des gens, il fera partie d'eux. D'accord. Il y a des gens, ils disent maintenant, sur la tenue vestimentaire, sur certaines choses, ils disent maintenant tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais si cette tenue, il est vraiment le symbole des koufars, on ne la porte pas. C'est vraiment, c'est le symbole. C'est comme, je ne sais pas moi, le costard cravate ou des choses comme ça qui est caractéristique d'eux, on ne le porte pas. Certains vont dire: écoute, maintenant, écoute, 21e siècle, et pourquoi eux, ils n'essaient pas de nous ressembler. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous donner ce qui est les phrases qui précèdent cette phrase-là qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il décrit la chose? Il dit, avant qu'il dise, celui qui imite ou cherche à ressembler à des gens, il fait partie d'eux. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Ça, c'est une phrase. Mais avant, retournons en arrière au début du hadith. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, بُعِثُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Avant la venue de l'heure, Allah m'a envoyé avec l'épée, avec l'arme, jusqu'à ce que Allah l'unique soit adoré et que rien, et qu'on lui associe rien. وَجُعِلَ رِزْقِي. Et ma subsistance. تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي. Et ma subsistance vient, et sous l'ombre de ma lance, le butin. وَجُعِلَ الذِّلَّ. Et frappé d'avilissement. والصغار et d'humiliation على من خالف أمري, celui qui désobéit à mon ordre. Il a parlé d'avilissement et il a parlé d'humiliation à celui qui contrevient à mon ordre. Pourquoi il a dit avilissement? Et pourquoi il a dit humiliation? Pourquoi il n'a pas dit celui qui contrevient à mon ordre sera touché par l'enfer? Ouais. Ou méritera l'enfer, ou méritera le châtiment. Pourquoi il a choisi ce terme? Pourquoi il a choisi avilissement et humiliation? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre prime nature que le faible essaie d'imiter le plus fort. D'accord? Le plus faible essaie d'imiter le plus fort. Si en notre intérieur, c'est parce qu'en notre intérieur, on sait, on a une certaine, un sentiment d'infériorité. D'accord? C'est ça qui nous a poussé à être, c'est cet avilissement et cette qui nous a poussé à chercher à les imiter. C'est l'enfant qui essaie d'imiter son père. D'accord? Quand il voit son père avec des lunettes comme ça, il prend le journal. Lui, s'il veut faire pareil, il prend un journal et il met des lunettes. Et quand il voit porter le téléphone, s'il veut le suivre, c'est le plus faible qui prend comme modèle le plus fort. Allah, il a fait ça par fitra. C'est quelque chose fitré. Tous les gens aiment les courage, le courage. Ils aiment la beauté. Ils aiment l'héroïsme. Donc, même s'il est dans une fausse voie, même s'il n'est pas dans la bonne voie, un héros, il est respecté par tout le monde. D'accord? C'est quelque chose qui est dans nos cœurs à nous. Donc, c'est parce que nous, on n'a pas cette fierté du musulman, on n'a pas pris comme modèle. Nos héros ont changé. Ils nous ont fait oublier nos héros à nous, les hommes qu'on doit prendre comme modèle. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ou Ubayda ibn al-Jarrah ou Sa'd ibn Abi Waqas, maintenant nos héros, c'est Sylvester Stallone, c'est Bruce Willis, et c'est une vérité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans le désaveu aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs et les chrétiens ne teignent pas leurs cheveux, faites le contraire. La barbe, il pousse. C'est le kafir, c'est le musulman. Et pourtant, s'il y a des poils blancs, le prophète sallam, il dit, eux, ils ne teignent pas le... Pourquoi? Pourtant, le poil blanc, c'est quelque chose de naturel. Allah, il a créé l'autre, tu ne peux pas le contrôler. Et pourtant Allah, le prophète sallam, te dit, tu vas le teindre pour faire le contraire du juif et du chrétien. Ça, c'est une sorte de bara'a. Ça revient au tawhid. Se désavouer de lui, de ne pas chercher à l'imiter. Hadith, il est rapporté par Shaykhan, al-Bukhari ou un muslim. Il y a aussi l'interdiction de fêter leur fête. Et Noël, il s'approche. Donc, partager leur joie, partager leur chagrin, etc. Ça... Pourquoi on insiste toujours que l'acte du cœur, pourquoi on a parlé, on dit que si l'intention est ferme, Allah il te rétribuera, il te récompensera, même si tu n'y agis pas. Et Cheikh Rahimallah, il va parler de ça, il va dire Al-Khawf min al-Ibada, la crainte, la peur, il fait partie de l'adoration. L'appréhension fait partie de l'adoration. L'amour, l'espérance, Raja min al-Ibada. Pourquoi? Parce que le fait de fêter et de vivre leur chagrin et tout. Le fait de vivre les chagrins des musulmans, de vivre le plaisir ou le vivre, la joie des musulmans, c'est un acte du cœur et tu seras récompensé grâce à cet acte-là. Le fait d'aimer les musulmans, de s'allier avec eux. D'accord ? Donc, parmi les choses qui rentrent dans le bara, dans le désaveu, dans l'écartement des kuffars, c'est de ne pas fêter leurs fêtes. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux déjà, ils ne fêtent pas nos fêtes parce qu'ils savent qu'on est petits. Nous, on ne veut rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte Abu Daoud, il rapporte un hadith authentifié par Al-Hafiz ibn Hajar, l'Asqalani, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Takhrij al-Mishkat, hadith 3437, que Thabit ibn al-Dahhak, l'un des compagnons, a dit. Il a dit, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un homme fit le vœu de sacrifier un chameau à Bawana, ça veut dire une région qui s'appelle Bawana. C'est un endroit qui se trouve au sud de la Mecque et à mi-chemin entre la Mecque et Yalamlam. Yalamlam, c'est le miqat des gens du Yémen. C'est l'endroit où on porte le ihram. Les gens du Yémen, ils sont au sud quand ils vont à la Mecque pour faire pèlerinage. Ils s'arrêtent à Yalamlam. Plus haut encore, c'est cet endroit qui s'appelle Bawana. Et plus encore, plus au nord, c'est la Mecque. Cet homme-là a fait le vœu. C'est le vœu, c'est Nadr. Nadr, le prophète sallam a dit, il a déconseillé qu'on fasse Nadr. Il a dit que la ya'ti bi khair, il ne ramène pas du bien. Et il ne change pas le destin. Le vœu, ça veut dire que, de dire par exemple, si Allah me donne un enfant, je vais jeûner 3 jours, ou je vais nourrir 100 pauvres, etc. C'est ça le vœu. Cet homme a fait ce vœu-là. C'est vrai, c'est déconseillé de le faire, mais si tu le fais, tu es obligé de tenir ton vœu, d'accord ? De le respecter. Et cet homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le vœu de sacrifier un chameau à cet endroit-là qui s'appelle Bawana. Et il en parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, y avait-il une des idoles de la jahiliya qui était adorée à cet endroit ? Est-ce qu'il y avait une des idoles avant l'islam qui a été adorée à cet endroit-là ? Et les compagnons ont dit, non, envoyé d'Allah. Puis il a dit, est-ce qu'une de leurs fêtes y était célébrée ? Ah, c'est très important. Et ils ont dit, les compagnons, radiallahu anhum, non, envoyé d'Allah. Et après, il a dit, accomplis ton vœu, car aucun vœu ne peut être accompli par la désobéissance d'Allah, ni par ce qu'un homme ne possède pas. Donc, rien qu'à cet endroit, si les mécréants faisaient leur fête, célébraient leur fête à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils savaient qu'ils fêtaient leur fête à cet endroit-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait interdit de sacrifier ce chameau-là. D'accord ? Ça montre jusqu'à quel point on ne doit pas fêter leur fête, on ne doit pas assister à leur réunion, à leur kufr. Il y a beaucoup d'exemples dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'alliance avec les alliés d'Allah et des aveux des ennemis d'Allah. L'exemple, on a parlé de ça dans Ghazwat Bani al-Mustalaq, la bataille de Bani al-Mustalaq. Bani al-Mustalaq qu'elle a eu dans l'année 4 de l'Hégire, quand Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Salul. On sait qu'Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est la tête des hypocrites. Et son fils, c'est l'un des plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a dit ce qu'il a dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a médit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que si on rentre à Médine, le plus puissant et le plus fier va sortir le plus bas de Médine. Donc lui, quand il a entendu ça, il s'est arrêté aux portes de Médine. Là, tout le contingent, les musulmans, les mujahidines, ils rentrent à Médine, ils les laissent rentrer. Et il a brandi l'épée comme ça. Et quand son père, l'hypocrite, est arrivé, il pointe l'épée à sa poitrine comme ça. Il a dit, Wallah, il a été trop, tu ne rentreras pas. Et c'est toi le plus bas. Et c'est toi le plus faible. Et c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le plus fier et le plus puissant. Voilà, là c'est l'une des situations, l'une des exemples dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un des exemples de la sirah, dans la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'wala ou l'bara qu'ont accompli ou qu'ont réalisé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose que je veux ajouter à propos de cette notion de l'wala ou l'bara, l'alliance et le désaveu. J'évoque ici, j'écris une parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, et ça c'est très important. Il a dit, il n'appartient à personne de désigner quelqu'un à la tête de la communauté qui appelle les gens à suivre sa voie, sa tariqa, à le soutenir, à soutenir autrui et à se faire ennemi d'autrui pour la défendre. Il n'appartient à personne de désigner à la tête de la communauté quelqu'un et de demander les gens de suivre sa voie à lui. D'accord ? Et de soutenir, de se soutenir et de se faire l'ennemi d'autrui, rien que pour défendre cette voie-là. D'accord ? Et il dit de même établir des paroles, des slogans, et appeler les gens, je vais expliquer, et appeler les gens à se soutenir et à se faire l'ennemi d'autrui pour les défendre, pour défendre ces paroles-là. Sauf exception faite aux paroles d'Allah et aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule personne qu'on dresse comme ça à la tête de toute la communauté, on s'allie pour le défendre et on se fait des ennemis pour le défendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, le seul. D'accord ? La vérité, la parole d'Allah. On ne doit pas désigner un être humain, voilà sa tariqa, voilà sa voie, et on doit se soutenir pour le défendre, même si c'est sa voix contredit la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun autre, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fut-il les grands savants, même si c'est l'imam Malik, même si c'est l'imam Ahmed, si sa voix, elle contredit, ou si son ijtihad, son effort intellectuel, il l'a amené à se tromper, on dit, imam Ahmed s'est trompé dans ça. Et la vérité, il est chez elle. D'accord ? Parce que le dalil, l'argument, il se trouve. Donc le fait de désigner et d'obliger les gens à se soumettre à un imam et s'allier pour le soutenir et se prendre l'ennemi, se prendre ou se faire l'ennemi d'autrui, la notion des sectes, c'est ça qu'a voulu dire Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et il a dit, quiconque choisit quelqu'un, peu importe le rang de ce dernier, même s'il est savant, pour s'allier avec autrui, se faire ennemi d'autrui, rien que pour être conforme à cette personne, dans la parole et l'acte, alors qu'on ne doit être conforme dans la parole et l'acte, qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fera partie de ceux qui émiettent leur religion. فَرَّقُوا دِينَهُ مَكَانُوا شِيَعَ. Il divise la religion. Il dit, moi je suis de tel cheikh, moi j'appartiens à tel tariqa, l'autre moi je suis de tel secte, je suis de... Le slogan, il a une phrase, il a un slogan, il a un homme sur la tête. Et il a dit, rahimahullah, il dit, qui émiette leur religion se divise en sectes. Ça c'est dans Fatawa al-Kubra d'Ibn Taymiyyah, page 239 et page 240. Il a dit aussi, en outre, cette même démarche est adoptée par les autres, enfin, les autres groupes, enfin par les partis politiques, etc., etc. Donc vous allez remarquer une chose. Là, il nous donne une vérité. Chaque secte, tu vas trouver qu'elle a quelqu'un à sa tête et elle tourne autour d'un slogan. D'accord ? Ben, les soufis, Ibn Arabi, l'Ash'ari, Abu al-Hassan l'Ash'ari, les Mu'tazila, Wasal Ibn Ata. Je ne vais pas parler des contemporains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le verset, c'est ce verset qu'on est en train d'expliquer et qui parle de l'Wala ul-Bara. Je vais relire le verset. Tu ne trouveras jamais des gens qui croient en Allah et au jour du jugement dernier se lier d'amitié avec ceux qui dénient Allah et son messager, fussent-ils leur père ou leur fils ou leur frère ou les membres de leur tribu. Cela, Allah leur a imprégné la foi dans leur cœur. Donc Allah a imprégné la foi dans le cœur de ces gens-là qui ont réalisé cette notion de l'alliance et de l'alliance avec les alliés d'Allah et l'écartement des ennemis d'Allah. Donc Allah a imprégné la foi dans leur cœur. Donc ce verset-là, il est en harmonie avec un autre, avec un hadith qui se trouve dans le Sahihain, dans le Bukhari Muslim, dans les deux Sahih. Bon, on va dire le hadith après, inshallah. Subhanakallah, bihamdik, shahadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.